Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcastination, les intermittents du podcast. Alors c'est un podcast un peu particulier qu'on va vous proposer aujourd'hui, car aujourd'hui, jour de diffusion du podcast, nous sommes le 25 mars, le lundi 25 mars plus exactement, et c'est la journée mondiale de la procrastination. Donc nous avons voulu rendre hommage à cette journée merveilleuse dont la procrastination a donné une partie du nom de podcastination, bien évidemment, qui est un mélange entre podcastination et procrastination. Et donc nous avons décidé de vous donner toutes les ficelles, toutes les adresses utiles pour vous amuser, pour remplir dignement cette journée et pouvoir remettre ce que vous aviez à faire aujourd'hui, en ce lundi. Au lendemain, c'est-à-dire au mardi, voilà, donc on va vous donner tous les bons plans de façon générale, que ce soit en termes de jeux vidéo, que ce soit en termes de bande dessinée, que ce soit en termes d'animation, pour que vous ayez plein de choses à faire et pas les choses les plus importantes, bien évidemment. Alors pour ce podcast, pour cet enregistrement, je suis avec Toontoon. Bonsoir Toontoon. Salut! Prêt à procrastiner en ce Ouais, lundi 25 toujours, mars? Toujours. toujours. Que ce soit un lundi ou un mardi, hein. Il n'y a pas de feignant, c'est moi qui te le dis. Alors, pour commencer de la façon la plus professionnelle possible, évidemment, nous allons vous donner une définition de ce qu'est la procrastination. Alors, la procrastination, donc c'est une définition qui nous vient de Wikipédia, on n'a pas été chercher bien loin non plus, procrastineurs que nous sommes. Donc, la procrastination, alors ça vient du latin, de deux mots, du latin pro, qui signifie pour, et crastinus, qui signifie ajournement le lendemain. Alors, la procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Point, pardon. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Donc c'est un peu pour ça aussi que l'on va vous aiguiller sur toutes les choses importantes à effectuer. Alors, j'ai évidemment Toutes oublié peut-être pas. de. J'ai. Comment? Toutes peut-être pas, on va faire une petite sélection. Tout à fait. Donc j'ai. En plus, j'ai même oublié de te présenter. Donc je suis avec Toontoon ce soir, bien évidemment. Si tu m'as déjà présenté. Je t'ai présenté. Bon, je suis totalement perdu. Par contre, nous n'avons pas d'invité. Donc c'est peut-être un peu pour ça que je ne sais plus où j'en suis. Ouais, Voilà. et on va dire que je suis le deuxième invité. Exactement. Bah, le premier, puisque. Voilà. Oui. Enfin bref. Voilà. Alors on va commencer. Alors, on vous mettra d'ailleurs dans le post du Tumblr le lien pour la journée mondiale de la procrastination et tout ce qu'il n'y a pas à faire pour en profiter, bien évidemment. Alors, je vous propose d'emblée de partir sur la partie animation, car avec ces magnifiques agrégateurs de vidéos que sont YouTube et Dailymotion, on peut vous dire d'ores et déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder, à voir, et une journée ne suffirait bien évidemment pas à regarder tout le contenu intéressant qui est à notre disposition, à la disposition de tous. Tu veux Alors, dire qu'il faudrait plusieurs journées de la procrastination, du coup? eh bien oui, je pense que même poser des congés ou des congés sans solde ou des RTT seraient indispensables pour cela. Mais ceci est un autre débat, bien évidemment. Alors, pour quand même faire quelque chose d'un peu posé, d'un peu réfléchi, on va dire, on a trouvé, en fait, il y a quand même pas mal de belles initiatives qui sont disponibles, notamment sur Dailymotion, alors qui vient de la part d'éditeurs, donc je pense notamment à DBEX, qui a été un des premiers à proposer des séries complètes en streaming gratuit et légal. Ah oui, donc bien évidemment, dans tous les plans qu'on va vous proposer, tout ce qu'on vous propose est bien évidemment, alors pas systématiquement gratuit, mais à un prix suffisamment bas pour en profiter, et bien évidemment légal. Donc autant faire le point tout de suite, voilà. Donc, pour commencer, donc moi je voulais revenir sur notamment l'initiative de DBEX. Donc ça fait un petit moment déjà, parce que il me semble que ça va bien faire 2 ans, 2 voire 3 ans, parce qu'ils avaient commencé en fait avec la diffusion de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Exact. où ils suivaient en fait à une semaine d'intervalle la diffusion japonaise, hein, Ce c'est-à-dire qu'on que. appelle le simulcast Tout à fait. Donc maintenant. le temps de poser les sous-titres et d'uploader tout ça. Donc c'était une initiative plutôt intéressante, surtout que derrière, ben, la série est sortie également en DVD. D'autant qu'il y a 75 épisodes sur cette seconde série de Fullmetal Alchemist, donc ce qui n'est pas rien non plus, puisque c'est une série qui est porteuse, hein, on n'est pas sur une série confidentielle, puisque beaucoup de personnes la connaissent, que ce soit par la diffusion télé de la première série, que ce soit par les coffrets DVD, que ce soit par les mangas édités chez Kurokawa, donc il y a quand même un beau succès pour cette série. Donc au-delà de ça, parce que nous avons remarqué que la série n'était plus disponible sur Dailymotion, en tout cas il n'y a plus que le premier épisode qui est visible en intégralité. Il n'empêche qu'il y a quand même d'autres séries qui méritent d'être vues, surtout par rapport à des formats qui sont quand même suffisamment courts pour être totalement appréciés. Alors, on va parler de plusieurs séries rapidement, on va pas forcément faire de critiques, on va pas forcément faire de résumés, etc. La première que Tuntun, tu connais également, c'est Kids on the Slope, Exact. que l'on connaît également sous le nom de Sakemichi no Apollon, Tout à fait. et que tu as vu. Et que j'ai vu, ouais, c'est une série de. Mince, j'ai perdu son nom, ça va pas. Shinichiro Watanabe, donc le Merci. fameux réalisateur de Cowboy Bebop, entre autres Et de Samurai Champloo. de Wolf's Rain aussi, il me semble. Donc il y a quand même un très joli pédigré sur ce monsieur. Ouais. Et voilà, ça raconte l'histoire de d'un jeune garçon Garou. qui arrive dans un nouveau lycée et il tombe rapidement amoureux d'une jeune fille qui est dans sa classe et qui est fille d'un gérant Qu'un filet disquaire. de disquaire, voilà. Qui est disquaire et donc il va se retrouver dans la boutique de son père et donc lui il joue du piano et il va rencontrer en même temps l'ami d'enfance de cette jeune fille et qui est lui un peu le loubard du lycée et qui fait de la batterie dans un groupe de jazz. Et donc voilà, de fil en aiguille, il y a des liens qui vont se faire entre les trois et puis d'autres personnages qui vont s'ajouter aussi. Ils vont monter un. Les deux garçons vont monter un groupe de jazz ensemble. Et voilà, donc comme d'habitude avec Watanabe, c'est une série très musicale. Donc là, essentiellement basée sur le jazz, donc. Sur, sur, sur le jazz. Alors c'est ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que bon, c'est basé sur le jazz, mais c'est aussi basé sur qu'on appelle ça, sur tout ce qui est bœuf, l'improvisation, puisque Karou, en fait, lui a une formation classique, notamment au piano, Exact. puisqu'on le voit notamment au début de la série, il joue des compositions classiques, mais il est un peu il est complètement attiré par le jazz et par ce côté ce côté improvisation où on n'est pas on reste pas dans un cadre vraiment strict, où on peut se permettre de décaler, de pas être sur la mesure propre à la note qui était prévue à ce moment-là, et donc d'avoir un peu plus de liberté que ce qu'il avait sur le classique. Voilà. Que dire de plus? Alors, c'est tiré, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, d'un josei, d'un Ouais, manga, d'un manga de Yuki Kodama. et qui devrait, il me semble qu'il est prévu pour sortir en France, mais là encore je n'ai pas vérifié, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, ce qui serait plutôt une excellente nouvelle à ce niveau-là. Après, je sais pas si le manga est bien ou pas. Oui. Tout ce que je sais, c'est que ça, enfin l'anime, pour ceux qui étaient habitués à Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, ça a pu décevoir un peu parce que c'est pas du tout de l'action, comme tu dis, c'est Oula, oui. un yosei, donc c'est quand même très très différent, mais voilà, on retrouve un character design proche de ce qu'il a fait avant, des animations vraiment très jolies. Ah, Et surtout, l'animé alors, est très ouais. basé sur la musique. Et voilà, c'est franchement très, très réussi de ce point de vue-là, quoi. C'est très rafraîchissant. Ouais. Surtout, on est sur une période, C'est superposé. ça se passe dans les années 60. Et c'est pas une période qu'on a l'habitude de voir en animé ou en manga, quoi. J'ai le souvenir, moi, de Quartier Lointain qui se déroule à peu près à cette époque-là. Ouais. Bah, de plus en plus, on en a quand même. Avec. Bah, il y a La Colline aux Coquelicots Oui, dernièrement. c'est Il y vrai. a eu. Voilà, il y a quelques. Enfin, il y a de plus en plus, je trouve. Les auteurs japonais s'intéressent à cette période. Et c'est sympa parce que enfin c'est une période assez comment dire, le Japon est en reconstruction, il se passe beaucoup de choses, c'est une période riche et c'est très sympa à voir. En plus, ça va bien avec ce ton un peu mélancolique de la série et très c'est très posé. C'est vraiment super sympa. Après, voilà, il faut savoir que c'est vraiment basé sur les relations entre ces trois personnages. Et c'est voilà, des histoires d'amour, des choses comme ça, d'amitié. Mais ça permet de voir un Japon un peu différent. Et en plus, avec le jazz, ça passe super bien. Ça passe café crème, ouais. Et surtout que la série dure 12 épisodes, donc c'est pas, c'est ça se regarde bien et le rythme est quand même assez rapide pour profiter de l'intrigue. Oui, puis c'est quand même assez court, hein, il y a 12 épisodes. Voilà, tout à Donc fait. ouais, ça passe Ça se bien. regarde sans fin. Alors, je voulais partir sur la suite. Donc, rapidement, alors je vais vous parler. Il me semble pas que tu l'aies vu, Tonton, c'est Black Rock Shooter. Non. Alors, c'est une série, pareil, qui est. Notamment sur les premiers épisodes, qui est assez dingue au niveau de l'animation. Puisque tout le premier épisode, on va dire, c'est une baston générale. Une baston générale, on va dire, non. Une baston destructive, mais vraiment par rapport au décor, par rapport à ce que prennent les personnages aussi, c'est assez impressionnant. Alors, c'est assez particulier en fait, parce qu'on a l'impression en fait, en voyant le premier épisode, qu'on est sur vraiment un manga de baston entre des filles, mais c'est plus des filles, on va dire, c'est plus des bah, ce sont des jeunes filles. Mais on n'a pas l'impression qu'elles ont mal parce qu'à chaque fois il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de coups qui restent sur le visage ou sur les bras. À chaque fois, même si voilà, si elles prennent des beignes monumentales, à chaque fois elles se relèvent. Et donc voilà, le premier épisode se termine comme ça. Et le deuxième épisode en fait n'a absolument rien à voir puisqu'on suit des étudiantes qui vivent leur vie tranquillement en allant au lycée. Et c'est au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue qu'on se rend compte que les deux mondes en fait sont liés et que les actions qui auront lieu dans l'un aura des répercussions sur l'autre et vice-versa. Et donc c'est sur ce postulat de base qui est basée l'histoire qui est assez courte hein, puisque c'est une histoire qui dure 10 épisodes donc ça se regarde assez rapidement. Mais franchement, par rapport à la réalisation, par rapport à l'animation, qui sont deux choses de très très bonne qualité, je vous propose vraiment je vous conseille même de voir ce qu'il en est parce que ça mérite le détour, ça mérite le coup d'œil surtout. Et voilà, le chara design est sympathique aussi, donc c'est plutôt sympa. Alors après, c'est pareil, les sujets peuvent être assez graves, en tout cas assez noirs hein, dans l'approche. Donc, je conseille pas forcément ça à tout le monde, mais après ça se regarde assez facilement et on en profite via la page Dailymotion, donc de façon gratuite et légale. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. High School of the Dead, donc ça, High School Fan Service of the Dead, je voulais dire. Hein. Mais ouais, mais c'est bien fait, c'est du bon Ouais. fan service. Il y a du zombie, c'est zombie and booby, quoi. Ouais, des boobies, des gros boobs, quoi. C'est ça. Mais enfin, voilà, c'est tiré du manga du même nom, qui est déjà très fanservice à la base, mais qui est super bien dessiné et vraiment sympa à lire. C'est du gros slasher, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Et l'animé, bah, l'animé, c'est du même niveau, mais en couleur et animé, tout simplement. Et du Exactement. coup, bah, on voit beaucoup de seins qui bougent dans tous les sens. C'est assez impressionnant. Mais c'est Bah, très très bien ce qui est fait assez et impressionnant, c'est c'est. surtout que la réalisation, en fait, ils vont toujours trouver des angles originaux pour mettre en valeur les Ah poitrines bah ouais, c'est. des filles, quoi. Mais c'est super bien animé, c'est assez rythmé, c'est fait par Madhouse, donc c'est quand même un gage de qualité en Tout à général. fait. Et non, c'est sympa, faut savoir où on tombe, mais quand on est au courant, c'est vraiment sympa à regarder. Carrément. Alors ensuite, je vous S'il y avait, conseille. Oui, je voulais rajouter bien aussi sûr. sur Dybex, sur la page Dailymotion, il y a aussi Jormungand, qui est. Alors, j'ai pas encore regardé, mais j'ai très envie de le faire. Et c'est une série qui est. Donc là, ils en sont 24, 25, un truc comme ça. Et c'est. Enfin, de tout ce que j'ai lu, ça, apparemment, c'est une très bonne série, donc c'est une série d'action. Et voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de très bons retours dessus. Et en ce moment, c'est la série principale qui est diffusée sur la page Daily de Dybex. Il y a aussi, alors c'est pareil qu'on l'a, je ne l'ai pas mis dans le fil de l'émission, mais il y a aussi Italia, je crois. Oui. Bah, une série au format complètement atypique, parce que ce sont des épisodes de 5 minutes, et en gros qui présentent des. Donc ce sont des enfants, mais qui représentent chacun un pays. Et donc en fait, on voit les interactions, comment dire, les liens qu'il peut y avoir entre les différents pays qui sont personnifiés. Donc c'est assez particulier, mais c'est pareil, comme le format en plus se prête à un visionnage rapide, bah faut en profiter, quoi. Juste pour terminer, alors c'est pareil, je vais pas aller plus loin non plus, parce que j'avais vu que quelques épisodes quand ça avait été mis à disposition, et c'est là toujours d'ailleurs sur la page. C'est Durarara. Alors, ça ne va pas forcément parler beaucoup par rapport à ce nom-là. Par contre, c'est du studio Brainsbase que l'on connaît notamment pour Baccano, qui était leur première série. Donc Baccano, une série de 13 épisodes, une série complètement dingue, extrêmement dense. C'est une série à tiroir avec énormément de personnages différents qui se passent sur des époques différentes, à des époques différentes, pardon. En 13 épisodes, donc d'où la densité de l'œuvre, mais qui mérite vraiment d'être vue au moins une fois. Alors une fois c'est nécessaire, c'est bien déjà pour tout mettre en place. Par contre, ne pas hésiter à le revoir une seconde fois pour comprendre les interactions entre les différents personnages et tout ce qui se passe tant l'action est dense, quoi. Donc Durarara, c'est une série qui est plus longue puisque c'est une série sur 26 épisodes, mais ça a l'air d'être du même tonneau, donc de la qualité de toute façon là-dessus, quoi. Tu connaissais ou pas du tout Tonton? De nom, mais j'ai jamais prêté attention Alors Baccano avait été disponible un temps gratuitement en streaming légal sur la page, c'était sur Ankama. Donc eux laissaient un temps en fait les épisodes gratuitement. Là s'ils sont encore disponibles, ils sont payants, donc on paye à l'épisode, quoi. Donc n'hésitez pas à voir Durarara pour vous faire une idée de ce que peut faire le studio, l'idée du travail que peut faire le studio Brainbase. On voulait évoquer également, alors il y a énormément d'autres types d'animation disponibles, hein. Je n'ai pas évoqué les courts-métrages. Qui sont nombreux, notamment sur YouTube ou sur Dailymotion. On voulait vraiment, alors notamment, je voulais vraiment parler sur cette partie-là des séries, parce qu'il y a quand même énormément de choses disponibles gratuitement, donc comme on le disait au début, il faut en profiter. Chose que je n'ai découvert qu'il y a que très peu de temps, c'est sur Manga News. Donc Manga News, un des sites de référence français qui parle bien évidemment du manga, mais également de l'animation. qu'il y ait une partie Manga News TV.tv. Et en fait, il y a énormément de séries. Alors, il y a beaucoup de très vieilles séries, de vieilles coproductions franco-hispano-japonaises, genre Tour du monde en 80 jours, genre Robin des Bois, des sous-séries qu'on ne connaît pas forcément, qu'on pas forcément très très bien vieilli. Mais voilà, par curiosité, n'hésitez pas à aller faire un tour. Par contre, alors je vous conseille, il y a différentes playlists, notamment il y a partie shonen, il y a partie shoujo, il y a partie seinen. Et on trouve vraiment des choses intéressantes. Alors, aussi bien en VO, STFR qu'en VF. Donc, c'est une très bonne chose, je trouve. Donc, parmi les choses qu'on peut trouver, de ce que j'ai retenu, donc, notamment sur la partie shonen, on retrouve The Tower of Draenei. Donc, c'est tiré d'un RPG. Voilà. Là encore, c'est des séries que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Donc, je ne vais pas non plus vous donner un avis, parce qu'il serait de toute façon biaisé pour ne pas avoir vu la totalité des séries. Alors, il y a une autre série qu'on connaît par rapport au manga qui est édité chez Tonkam. C'est Tonkam ou c'est Kazemanga, je ne sais plus. Ah, tu me mets le doute. Je crois que c'est Tonkam. Je crois que c'est Tonkam, on va rester sur Tonkam. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous mettrai ça un petit post-scriptum dans le poste du podcast. Donc c'est Rosario plus Vampire. Cross, enfin, Cross, ouais. voilà. Je sais pas comment, ouais. Donc C'est, oui, c'est ton cam. c'est Tonkam, voilà. Donc voilà une série manga que l'on connaît en France qui est adaptée en animé, qui est disponible gratuitement. Donc c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés par la série ou pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir. Il y a Roméo Croce Juliette aussi, donc une adaptation de la pièce de Shakespeare, version animée, version un peu plus, beaucoup plus moderne même d'ailleurs que ce que l'on connaît, que ce que l'on connaît que la pièce de théâtre, pardon. Slayers Revolution aussi, alors c'est pareil, ça c'est une série, on connaissait les premiers, il y a eu plusieurs séries Slayers, donc. Qui avait été. Il y Qui avait une était, série télé. il y avait. Ouais, en fait, il y avait deux séries télé. Deux séries télé de Slayers, dont j'ai oublié le nom. Donc, il y avait Slayers tout court. Donc, Slayers Révolution, en fait, c'est un retour, c'est une remise au goût du jour de la série. Donc, qui avait été également disponible. Qui était également sorti en France en manga. En petit Il y a longtemps. format économique. Et C'était donc. pas chez Panini quand il s'appelait Génération Comics. Ou un truc dans le genre. Non, je crois que c'est un on en parlait l'autre fois. Ça, c'est les mêmes éditions que les Cobras ou. Ah, chez Taifu? C'est Taifu, exactement. Ouais, tout à fait. Peut-être, ouais. Une série, alors là, on va partir sur des séries plus adultes du classique. Il y a Blue Gender, donc, qui est disponible cette fois-ci en VF et en VOSTFR. Donc, qui se rapproche plus d'un Starship Trooper ou d'un Alien. Donc, c'est une série qui est assez ancienne, puisqu'elle a bien plus de 10 ans maintenant. Ouais, tout à fait. Également, Bubblegum Crisis, donc, qui avait été diffusé il y a quelques années de cela sur NT1. Pour ceux qui se lèvent le dimanche matin pour les dessins animés. Qui est disponible également en VF et au VOSTFR. Donc, l'intérêt aussi de Bubblegum Crisis, c'est que ce sont des OAV, donc il n'y a que quelques épisodes. Pas plus quoi, donc c'est une bonne façon de regarder une série entière sans si vous n'avez pas beaucoup de temps de disponible, donc n'hésitez surtout pas pour procrastiner en ce lundi 25 mars. Alors d'autres sites également disponibles, donc il y a Wakanim. Alors, on peut parler d'ailleurs de Wakanim, on peut parler également de KZTV, Ouais. qui propose systématiquement les premiers épisodes gratuitement en visionnage. Donc c'est pareil par rapport aux séries qui sont disponibles, je vous laisserai regarder sur le site, mais il y a énormément de contenu, très très, très très intéressant. Il y a Wakanim également qui propose pas mal d'animés. Alors là, je vois notamment ce Sword Art Online. Ouais, il y a Axel World, il y Il a me semble également qu'il y a en Space Brother. Non, Alors Space Brothers, c'est sur Genzai. C'est sur Genzai, d'accord. Ouais. Et non, sur Wakanim, il y a. En ce moment, il y a Sword Art Online, Axel World, Robotics Nuts, Oui, voilà. Motaiji Taichi et Nekomonogatari Noir. Donc des séries assez récentes, puisque Robotix Notes, ça faisait partie des séries de la rentrée du mois de septembre au Exact. Japon. Et Sword Art Online aussi, c'était un peu. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était un animé basé sur un jeu online. Enfin, dans l'animé, ça se Alors, passait dans un voilà, jeu ce online. qui se passe, c'est que dans l'anime, en fait, donc on suit le héros qui est un joueur assidu des MMORPG, donc il a participé à la bêta donc du jeu, notamment dans lequel se passe Sword Art Online. Sauf que quand le jeu est lancé, en fait, il se rend compte que il ne peut plus quitter le jeu. Donc que ce soit lui ou les autres joueurs, en fait, ils ne peuvent plus quitter le jeu. S'il meurt, en fait, il meurt définitivement. Et donc tout part de là. Donc il y a un côté assez tragique, dans le sens où chaque personnage, on ne sait pas s'ils vont durer sur toute la série, ou s'ils vont durer que quelques épisodes, selon ce qui va leur arriver. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, j'ai pas regardé la série, j'ai lu quelques articles dessus, notamment chez Animeland. Mais c'est une série qui a l'air d'être techniquement assez recherchée, vraiment pas mal. Donc voilà. Par contre, là, on est plus sur des séries qui sont disponibles gratuitement. Non, oui, c'est de la VOD, mais Voilà. voilà, ils diffusent de temps en temps. C'est relativement peu cher pour ce que c'est quand même, hein, parce qu'on est sur Voilà, des séries qui pour sont. avoir un accès au contenu complet, etc., c'est assez peu cher. Mais c'est pas mal aussi pour se faire. Je pense à Genzai, par exemple. Genzai, Donc je c'est lié crois à Kana. ils sont affiliés à Kana Home Ouais, Video. tout à fait. Et ils diffusent principalement, enfin même uniquement je crois, en simulcast Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, Space Brothers et Fairy Tail. Et en fait, Genzai, il propose un abonnement gratuit, enfin une période d'essai gratuite de 14 jours. Donc bah, c'est pas mal pour se faire une petite idée ou pour si on a vraiment toute une journée à procrastiner pour se faire un tas d'épisodes. Après, il faut savoir que si on fait pas la demande, l'abonnement continue et donc il prélève 5 euros mensuels. Exactement. Donc, faut penser à arrêter l'abonnement si on veut pas continuer. Mais Forcément. faut savoir aussi que pour 5 euros par mois, tu as accès à toutes leurs séries. Donc, Ouais, ce qui. c'est pas, ça reste relativement raisonnable. Surtout que. Je pense à Space Brothers notamment, il n'est pas accessible ailleurs pour l'instant. Voilà, non, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sites de streaming d'animés. Hein, il y en a pas mal. Voilà, mais là, c'est enfin, les principaux, je pense. Tout à fait, ouais. Genzai, ce qu'on peut dire, c'est que c'est Crunchyroll. Donc le site US, anciennement site de fansub, Légal. qui est devenu légal et qui est le plus gros fournisseur d'animés aux États-Unis. Et donc c'est Crunchyroll pour Kana notamment qui fait ce site. Donc voilà. Exactement. Alors, on a terminé avec la partie animée, donc déjà animation, donc déjà ça vous laisse pas mal de choix sur ce que vous souhaitez faire quand vous n'avez rien à faire, ou quand vous voulez décaler bien évidemment vos obligations au lendemain, puisque c'est un peu le but de cette émission ce soir. On va parler maintenant, on va passer sur la partie jeux vidéo. Alors, on va s'intéresser principalement aux jeux vidéo en dématérialisé, parce qu'évidemment, si vous voulez procrastiner, c'est autant le faire de chez soi, qu'on n'a pas besoin de se déplacer, donc on gagne du temps. Alors par contre là c'est pareil, vaut mieux vous y prendre à l'avance si vous voulez télécharger des jeux de taille importante, le temps de si vous voulez Ça avoir le temps d'y jouer. dépend sur quelle console, mais oui, en général. Si vous voulez Uncharted, c'est 48 Go, Oui, je donc pense qu'il y a une erreur, je pense que mais c'est une erreur, voilà. j'espère pour eux. Mais Tout à non, mais fait. c'est vrai que ne serait-ce que 1, 2, 1 ou 2 gigas sur PS3 ou sur Wii U, un certain temps après, sur Steam, ça devrait pas poser de problème, quoi. Carrément. Alors on va parler déjà de Steam, puisque tu en parles. Donc Steam, donc qui est le site de référence qui a compris un des premiers, le premier j'ai envie de dire, même à comprendre l'importance du jeu en dématérialisé, qui propose régulièrement des offres très très alléchantes. Notamment, alors il y a des soldes, notamment en ce moment il y a des soldes Les soldes de... Ouais, en ce des moment, c'est les indépendants. soldes indés du printemps. Alors, Donc... comprenant également les finalistes de l'Independent Game Festival et les jeux présentés à la PAX East. Donc, c'est un événement qui se déroule en ce moment aux États-Unis. Mais après, voilà, il y a aussi des jeux beaucoup plus importants qui sont soutenus par des éditeurs que l'on connaît très bien, comme Ubisoft, comme Activision. J'ai pas envie de dire comme EA, parce que maintenant, à origine, il y a plus. Comment dire, il y a la priorité, il laisse la priorité à leur plateforme. Cela Pardon. dit, Origin, enfin, y a aussi des promos sur Origin qui sont faites. De toute façon, sur toutes les plateformes en ligne, maintenant, ils adoptent ce système de promos régulières comme sur Good Old Games ou... Oui, alors en plus Good Old Games, ce qui est intéressant, oui, c'est vrai qu'on l'a même pas cité, mais Good Old Games, ce qui est intéressant en plus, c'est que donc, ce sont des anciens jeux, et déjà de base, les jeux ne sont pas excessivement chers, d'autant qu'ils sont en dollars. Hein, donc en ce moment, le dollar est. Quand vous achetez en dollars, on est en euros, vous êtes gagnant. Ça vous coûte moins cher. Hein. Et en plus, il y a toujours une tonne de suppléments avec les jeux, quoi. Il y a souvent l'OST, il y a souvent des guides, des choses en plus, des wallpapers. Il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment plein plein de bonus qui sont fournis avec le jeu. Et en plus, quand ils font des soldes, c'est plutôt intéressant, quoi. Mais Steam, on va dire que Steam, quand Steam fait des soldes massives, ils n'ont pas peur, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des packs, ils font des offres vraiment très très agressives. À la limite, j'ai envie de dire, à la limite du dumping, parce qu'on est vraiment sur des prix qui peuvent être vraiment très très bas. Pour vous donner un exemple. Bah, par exemple, les deux portals, même si bon, c'est une offre assez ancienne, mais les deux portals qui sont à 10 euros, ça peut être la série des SimCity ou un épisode des SimCity avec tous les DLC à 10 euros ou même moins cher, quoi. Donc il y a vraiment de quoi remplir un catalogue à soi très rapidement sans avoir dépensé énormément d'argent. Même des petits jeux, ça peut être de Plants vs Zombies à là je vois notamment Retro City Rampage ou Terraria etc. Donc c'est une bonne façon, si vous avez un PC qui n'est pas forcément puissant notamment pour ces jeux-là, ça vous permet notamment de jouer rapidement sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, quoi. Exact. D'autres choses à rajouter peut-être par rapport à Steam ou par rapport à ces plateformes? Vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. non, vas-y, vas-y. Non, je pensais également au Humble Bundle. Oui. Donc, Ouais, bah ça fait partie des nouveaux systèmes de mise en vente des jeux indés principalement. Donc il y a tout ce qui est bundle, enfin indie bundle. Il y a le Greenlight Gaming Bundle, Royal Indie Bundle ou des choses comme ça qui permettent en fait qui font un regroupement de plusieurs jeux indés et qui mettent une mise en vente je sais plus comment on appelle ça, Pay What You Want, c'est aussi ça. Exactement. Donc on paie ce qu'on veut, sachant qu'à chaque fois. Si on met une certaine somme, on a des jeux ou des OST en bonus. Voilà, plein de petits bonus sympas et qui permet du coup d'avoir un montant minimum à chaque fois. Enfin, que les joueurs mettent un minimum d'argent dans ces bundles-là. Après, c'est beaucoup les mêmes jeux qu'on retrouve. Les Super Meat Boy, les Castle Crashers. Les bastions. Bastion, exactement, les Bitrip Runner, enfin plein de gros Train, succès, plein de gros succès indés. et qu'on retrouve aussi régulièrement sur Steam en promo et qui sont toujours typiquement un Super Meat Boy pour procrastiner, il n'y a pas mieux. Tout à fait. Parce que c'est le truc qui te. C'est super simple, ça bouffe pas grand chose en ressources et c'est super efficace, tu restes des heures dessus. Non, non, en plus c'était aussi Runner, hein, Runner 2. Oui, il y a Runner 2 qui est sorti. Alors, c'est un point, vu qu'il est un petit peu plus récent, enfin il a même pas un mois. Ouais, Oui, il n'est pas encore, non, il n'est pas encore pour ce biais-là, mais ça reste un petit jeu il est indépendant. voilà, et puis là pour l'instant il est à 14 euros, mais voilà, c'est pile pour procrastiner, c'est ce qu'il faut. Et du coup, si on cite Runner 2, on cite BitTrepreneur qui lui est trouvable à pas cher du tout et qui permet de jouer très longtemps à pas cher Et pour peu de. Puis ça peut jouer sur n'importe quel PC, quoi. exactement. Surtout ce qui est intéressant avec notamment, alors il y a Humble Bundle, il y a Indie Royale également, il y a plein Ouais. d'offres de en format Pay What You Want. Mais ce qui est vraiment intéressant, donc notamment par rapport au Humble Bundle, c'est que on peut récupérer la clé Steam et donc on peut mettre le jeu directement sur son compte Steam. Ça permet de pas avoir 3-4 comptes différents pour pouvoir jouer au jeu. En étant, c'est beaucoup plus pratique quoi, au final. Tout à fait. On peut parler rapidement XBLA, PSN. Ouais, Alors. XBLA qui a des grosses grosses offres, enfin qui a beaucoup de gros jeux, un catalogue de jeux importants en fait, notamment du côté des pas des indés, mais justement de entre les deux, des petits jeux soutenus souvent par des éditeurs assez importants. Genre, on peut en citer à Bah, l'appel, on peut citer Trails Evolution, par exemple, Spelunky, Spelunky, je crois, c'est un indie, si je dis pas de bêtises. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja, Shadow Complex, Geometry Wars. Donc, enfin, Despawn. il y en a plein. Je pense sur console, c'est le plus gros catalogue de jeux de genre sur console. Bah, déjà, Microsoft a quand même bien, bien soutenu Oui. son Puis bébé. y a le indie Xbox Live Indie Game qui là permet à toutes les personnes, enfin n'importe qui, de mettre son jeu. Donc ça donne lieu à beaucoup de très très mauvais jeux. Mais il y a aussi des jeux qui ressortent du lot, comme je pense au Arcade Host Series. Qui est donc une série de petits jeux qui ont été faits par Arcado entre Big Bang Mini et LA, sorti récemment. Et donc voilà, c'est des jeux qui sont en général entre 1 euro et 1 et 3 euros. Il y a des très très bons jeux dedans. Et c'est vraiment on peut trouver des choses vraiment pas chères et vraiment très très bien. Tout à fait. On peut parler aussi parce que dernièrement il y a eu quand même pas mal de soldes sur les XBLA, notamment sur les jeux Games on Demand. Donc ce sont les jeux qu'on peut retrouver dans Ouais. le commerce et qu'on peut également retrouver en téléchargement sur le Xbox Live. Donc il y a eu notamment de tête, il y avait Max Payne 3 qui était à 5 euros par exemple. Il y avait la série des Resident Evil, il y avait Resident Evil 4. Il y avait les Assassin's Creed, je crois. Qui est à exactement, les Gears of War, les Left 4 Dead, donc des grosses grosses séries. Là, ils vont reprendre ça encore, ils vont remettre ça au printemps, je crois que c'est la semaine prochaine d'ailleurs. Mais régulièrement, de toute façon, Ouais, enfin toutes les semaines toutes les déjà, il y a semaines. des DLC, des costumes, des trucs Ou comme ça des jeux en aussi, hein, des promo. jeux qui sont Et oui, disponibles. des jeux aussi. Régulièrement, il y a des promos. Alors, on va évoquer rapidement le PSN. Même si ni moi ni Tuntun n'avons de PS3. Si, T'as une PS3? enfin, j'ai une Vita, Ah oui, donc t'as une j'ai une PS Vita, PSN. attention! Oui, c'est vrai que le PSN est sur PS Vita également. J'ai oublié Et oui. l'existence Et de cet écran avec des boutons. du coup, sur Vita, c'est intéressant, enfin, sur PS3 aussi, je suppose, mais Alors explique-nous ce que c'est le PSN Plus, parce qu'on voulait parler du PSN Plus. Ouais, donc le PSN Plus, en fait, c'est un abonnement soit mensuel, si je dis pas de Alors, bêtises, il y a, non, il y a deux offres non, différentes. Il y c'est a trimestriel. 90 jours, alors c'est Ouais. ce que j'ai trouvé sur le site. Donc, un mois et demi, non, 3 mois, pardon, je ne sais plus compter. 3 mois ou 1 an. Donc, 3 mois, c'est 15 euros. 1 an, c'est 50 euros. Évidemment, c'est plus avantageux de prendre 1 an que 3 mois. Et il faut savoir que sur le PSN Plus, Sony est quand même super agressif. Ouais. Bah, j'ai envie de te dire, il donne même plus envie d'acheter de jeux. Mais c'est ça le problème, c'est que on sait, en tout cas sur Vita, le peu de jeux qu'il y a en retail, enfin qu'on trouve en magasin, les gros jeux, on se doute qu'ils vont finir par arriver sur le PSN Plus. Parce que là, je vois par exemple, moi j'ai pris. J'ai pris. Enfin, il y avait Uncharted, moi je l'avais déjà. Mais il y a Uncharted qui est Uncharted arrivé. Golden Il y Abyss, hein. a. Comment? C'est Uncharted Golden Abyss, hein, sur PS Vita. Oui, C'est ça. Uncharted Golden Abyss. Il y a eu Mortal Kombat. Il y a eu Gravity Rush. Voilà, donc à côté de ça, il y a plein d'autres petits jeux dématérialisés qui sont en promo ou qui arrivent gratuits. Et il y a aussi voilà, c'est beaucoup de promos, des promos sur les mini, sur les jeux Bah PSN classiques. le mois prochain, il y a quand même disponible gratuitement en téléchargement, il y a Okami HD, il y a Virtue Last Reward, Ouais, il y il y a a eu Jet The Set Cave, Radio aussi. Jet Set Radio, il y a The Cave. Donc en plus, ce sont des jeux récents. Je veux dire, The Cave est sorti il y a 2 mois de ça, donc c'est quand même des jeux récents qui sont quand même déjà Ouais. disponibles en téléchargement gratuit. Alors par contre, est-ce que les jeux qui étaient disponibles en téléchargement gratuit le mois d'avant sont toujours disponibles ou alors ça Alors, ça s'arrête? dépend des jeux. Il y a des jeux qui restent longtemps gratuits, comme Uncharted, je crois, il y est depuis décembre et il y est encore là. Et à côté de ça, il y a des jeux qui restent un mois. Après, voilà, ça dépend. Mais oui, c'est vraiment varié. Et puis, une fois, en fait, la technique, c'est que forcément, on peut pas jouer à tout. Mais si on achète le jeu et qu'on le télécharge et qu'on le réfasse juste derrière, il sera quand même enregistré dans notre liste de jeux achetés, mais gratuitement. Et donc, même s'il disparaît, on pourra le reprendre gratuitement derrière. Sans repayer, sans quoi que ce soit. Donc, Ce qui fait que, alors, déjà qu'il n'y a pas. Alors, moi, je prends l'exemple de la Vita, parce que tu as une Vita, tu n'as pas de PS3. Déjà, sur Vita, tu n'as quand même pas énormément de jeux. en boîte, il n'y a pas beaucoup de jeux. De gros jeux, je parle, là, comme Ouais. les Gravity Rush, les Uncharted, Oui. j'en passais des meilleurs. Et donc, du coup, tu peux quasiment tous les avoir juste avec l'abonnement. En gros, tu payes Bah. 50 euros, on va dire, le prix Pas d'un jeu. tous, mais Bah, c'est vrai que beaucoup de gros jeux Le mois dernier, tu arrivent avais quand sur le PSN même Plus. le mois dernier, tu avais quand même Metal Gear Solid HD Collection, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, il y a beaucoup de jeux. Mais en même temps, c'est vrai que ils vont. Enfin, ils étaient un peu obligés de faire un PSN Plus sur Vita aussi. Oui. Et voilà, c'est aussi une bonne chose. Après, je pense qu'il faudrait qu'il laisse plus de délai entre la sortie d'un jeu et l'arrivée sur le PSN Plus. Il faudrait qu'il laisse au moins 6 mois, voire un an. Oui, parce que Et oui, parce que déjà que bah sur PS3 t'as quand même un catalogue suffisamment large pour voilà, faire la différence entre la PS3 et la Vita, c'est que sur PS3, t'as vraiment un très large catalogue, donc tu peux pas tous les mettre sur le PSN Plus. Alors que sur Vita, le choix est quand même beaucoup plus restreint au niveau je le répète, au niveau des jeux en boîte, parce que en dématérialisé, c'est quand même différent, il y a quand même beaucoup plus de choses. Mais oui, le problème, il vient pas du PSN Plus, là, pour le coup, il vient du catalogue. Du Oui, fait c'est sûr. qu'il y ait peu de jeux, donc il se retrouve au final quasiment tous sur le PSN Plus, quoi. Mais bon, là, on dévie un peu. Exactement. Mais voilà, pour le PSN, donc il y a le PSN Plus où il y a des jeux gratuits et des promos régulièrement, des promos relativement sympas. Et en plus de ça, donc il y a pour procrastiner, ce qui est pas mal, c'est les mini. Donc les mini, c'est des petits jeux qui sont faits pour PS3 et pour Vita et qui sont vendus à vraiment pas cher. Et dans lesquels il y a des jeux vraiment pas mal. D'après ce qu'on m'a dit, puisque j'en ai pas encore testé, j'ai pas trop eu le temps. Et faut que je me fasse une petite liste que je rajouterai peut-être du coup sur l'article. Il faut que je me fasse une liste des jeux à prendre en mini, mais voilà, y a des. Bon, c'est un peu comme tout, il y a à boire et à manger, mais y a quand même pas mal de jeux et certains trucs vraiment sympas. Donc ouais, si on veut procrastiner, je pense que c'est par là qu'il faut se tourner. Exactement. Alors, on va passer maintenant aux presque parents pauvres du procrastinage, Presque. parlant de plateforme de téléchargement de jeux dématérialisés. Je veux bien évidemment parler de l'eShop. Bon, l'eShop, on va dire l'eShop de la Wii U a quand même est-ce qu'il a 6 mois d'existence? Il a 4 mois. 4 mois d'existence, voilà. Donc, on va dire, voilà, on n'est pas non plus. C'est Nintendo, voilà, c'est papy, on va pas le pousser. Hein. Même s'il propose une offre assez intéressante, notamment par rapport à la Virtual Console. Pour Avec, l'instant, ouais. voilà, pour l'instant, évidemment, c'est Après, limité. quand il y a la vraie Virtual Console qui va arriver, Vous allez raquer! ça va être autre chose. Voilà, vous avez fait vous faire piner. Donc, 30 centimes par jeu, donc il y a des jeux plus ou moins confidentiels. Peut-être que Balloon Fight que j'ai découvert en même temps que le Nintendo Direct quand il a été présenté. Mais il y a aussi du F-Zero, il y a du Punch-Out, il y a du Il y a Kirby Punch-Out qui Adventure. vient juste d'arriver là. Voilà, exactement. Kirby Adventure, donc un coucou HKO. Alors, je pense qu'il y a un jeu qui me fera acheter la Wii U, c'est Super Metroid. Hein, mais vraiment, parce qu'il n'est pas disponible sur 3DS. Et que c'est Si, un. moi Oui, je non. l'ai. Non, c'est Metroid Fusion que tu as, mon grand. Ce n'est pas Non, Super c'est Metroid. Super Metroid. Sur Sur un programme 3DS. ambassadeur. Je vais vérifier, mais. Non, non, c'est Metroid Fusion. C'est Metroid Fusion. Enfin, bref. Enfin Donc, bref. 30 centimes pour ces jeux-là, c'est plutôt intéressant. D'autant que ils sont en 60 Hz alors qu'au début, ils étaient en 50 Hz. Donc, il a suffi que les joueurs poussent une gueulante pour. Que ce soit dans des conditions identiques à ce qui se fait au Japon et aux États-Unis, donc c'est une bonne chose. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'offre. D'autant que la Virtual Console n'est pas officiellement lancée sur l'eShop de la Wii U. Oui, elle va arriver avec la mise à jour de printemps qui devrait arriver fin avril, début mai, Tout à normalement. fait. Tout à fait. Par contre, on peut parler de la 3DS qui, elle, a un historique un peu plus Et important. si, juste Oui. rapidement sur Wii U, Nintendo ne permet maintenant, parce qu'il ne faisait pas avant sur le WiiWare ni sur le DSiWare, et il permettait pas aux éditeurs et à ceux qui publient leurs jeux sur l'eShop de faire des promos, et maintenant donc ils les autorisent à le faire. Et ce qui fait que depuis le lancement de la console, en fait, on a quasiment constamment des jeux en promo. On peut par exemple citer Little Inferno qui est en ce moment, je crois, à moins 50%, donc ça le fait à 5 euros. Chasing Aurora qui est aussi en promo. Il y a eu Mighty Switch Force. Enfin, chacun leur tour, ils font des promos. Des bonnes promos en plus. Et là aussi, en ce moment, il y a Ubisoft qui fait tous ses jeux boîte, mais disponibles en démat sur la console, en promo. Et ce qui fait par exemple Assassin's Creed à 30 euros. Zombie U, pareil, il doit être à 30 euros. Puis le reste, ça vaut pas le coup. Mais voilà, donc ils prennent le modèle de Steam, du Xbox Live Arcade, même un peu plus libre que le XBLA, mais. Des promos régulières qu'ils avaient déjà entamées sur la 3DS, mais là qui font beaucoup plus régulièrement sur Wii. Exactement. Alors sur 3DS, ça commence. timidement à se mettre en place. Il y a quelques offres, que ce soit sur les jeux en téléchargement uniquement ou les jeux disponibles également en boîte. Je pense notamment, celle dont je me souviens, c'est The Legend of Zelda qui passe, donc Ocarina of Time, pardon, qui passe donc de 44 € en version dématérialisée à 30 €. Donc Waouh. c'est une. Impressionnant. Ben si, voilà. C'est une belle, non, c'est une belle promotion dans l'absolu, mais Mais le c'est trop jeu. cher pour un remake d'un jeu sorti. Le remake. Enfin, le remake est sorti il y a un an et demi. Et ça me paraît logique qu'il soit. Ça me paraît très logique qu'il soit au plus cher à 20 euros, quoi. Mais bon. C'est clair. C'est Enfin. après, c'est. Voilà, c'est. Le toujours le même problème, que ce soit sur toutes les plateformes sur console, c'est que les constructeurs, ils veulent pas trop se fâcher avec les revendeurs physiques, et du coup ils pratiquent des prix sur les jeux, les games on demand ou les jeux, voilà, qui sont en boîte, qui sortent aussi en boîte. Ils font des prix au mieux au prix du marché boîte, quoi. Donc Exactement. voilà, c'est toujours trop cher. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, parce qu'on n'a pas forcément Après, grand-chose. sur l'eShop 3DS, il y a quand même il y a d'autres promos. Il y a enfin ils ont amorcé le truc il y a l'année dernière, juste après l'E3, où ils avaient fait sur 2 semaines, ils avaient fait 12 jeux en promotion. Je sais plus, à Exact. moins 25%, je crois. Ils ont refait la même chose au mois de novembre, et donc là on peut s'attendre à ce qu'ils refassent la même au mois de juin, juillet, pour voilà, certainement des ils vont mettre en place des soldes saisonniers, comme ça. Et voilà, il y a quand même quelques jeux sympathique sur l'eShop, et pas forcément cher d'ailleurs. Je pense à Gunman Clive, qui est à 2 € et qui est très sympa, qui est un espèce de run and gun avec une super direction artistique. Et il y a quelques autres jeux comme ça, des jeux indés, Picross ou Pool Blocks et Fall Blocks, sont des jeux à moins de 10 €. Excellent. Enfin, les deux Picross, ils sont à 5 € chacun. Et ça, pour procrastiner, je pense qu'il n'y a pas mieux. Parce que c'est le truc qui est. Voilà, tu commences, tu finis pas. Tu t'arrêtes jamais. Donc, voilà, disponible à vraiment pas cher. Et c'est vraiment des très bons jeux pour passer le temps. C'est clair. On peut voir les Pool Blocks et Fall Blocks, ils ont été développés par Intelligent System, donc le studio qui est derrière Fire Fire Emblem. Emblem et Advance Wars notamment. Tout à fait. Eh bien, on referme la parenthèse procrastination sur le jeu vidéo. Et on va cette fois parler rapidement, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas forcément d'exemple parlant, quelques-uns, mais pas très très important, autour du manga et de la bande dessinée. On peut parler rapidement des prix et des offres commerciales qui ont été faites, notamment alors en ce début d'année, il y a Skate Dance, une série que Kazemanga souhaite mettre absolument en avant, donc. En proposant les deux premiers tomes à 4 € par tome, donc c'est moitié moins cher que le prix habituel. Donc c'est Quasiment, ouais. plutôt c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que moi personnellement c'est ce qui m'a permis d'acheter la série et de Bah, m'y c'est une super intéresser. bonne initiative, parce que en plus, Cat Dance, c'est pas forcément un titre évident, enfin voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre avec ça. Et du coup, bah, avec 2 tomes au prix d'un quasiment, ouais, ça pousse à la curiosité, en tout cas, quoi. Mais carrément. C'est surtout que la série est plutôt pas mal, quoi, donc faut en profiter. Ouais, On j'ai peut le parler troisième tome à lire. exactement. Moi j'ai le troisième tome à acheter, c'est autre chose. On peut parler également du système des doubles tomes qui prend de plus en plus d'importance, voire du regroupement de tomes si on parle de l'exemple de Naruto, puisque fort du succès au Japon, Naruto avait donc l'éditeur au Japon avait regroupé les tomes 1 à 27 en 8 gros tomes. Et donc Kana, qui est éditeur du manga, éditeur de Naruto en France, a fait de même. Et donc chaque tome étant vendu 15 euros, il y a quand même une belle marge à se faire, quoi. Parce que pour le prix de, on va dire un peu moins de 3 tomes, vous en Ouais, c'est avez... 2,5 à peu près. Comment? C'est 2,5 à peu près, je crois, qu'il y a dans un volume. Voilà, ça, donc, ça revient au... En, ça revient à peu près au prix, mais en grand format, donc ça permet d'avoir une visibilité plus importante sur la page. Donc plus récemment, on peut retrouver également l'exemple de Fullmetal Alchemist, qui est vendu par double tome. Ouais, il y a eu SDK aussi, Samurai Deeper Kyo. Samurai Deeper Il y a le Kyo, nouvel Angyo le... Oshi, il y a Voilà. Wingman. Ouais, c'est de plus en plus, on voit ça sur des rééditions. Ou même Dragon Ball qui avait fait ça aussi sur les tomes doubles. Enfin, Exactement. Glénat qui avait fait ça avec Dragon Ball. Et ouais, on voit ça de plus en plus sur des rééditions. On voit par exemple sur FMA, où bah, directement, quasiment à la suite de la fin de la série. Ils ont enchaîné sur les doubles tomes pour pouvoir continuer à surfer sur le succès de la série, quoi. D'ailleurs, le premier n'est pas un double, mais un triple tome. Parce qu'il faut pas oublier que la série en fait compte 27 tomes, donc de toute façon il aurait fallu un double tome pour conserver le même format. Il aurait fallu de toute façon un triple tome pour retomber pour que Kurokawa retombe sur ses pieds. Mais Alors, après, alors oui. faut voir aussi que souvent les tomes doubles ou triples comme ça se fait un peu au détriment de la qualité. Il y a souvent pas de jaquette ou je vois par exemple pour Samurai Deeper Kyo où on se retrouvait avec en fait on avait mis les deux tomes, on les a collés ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait le sommaire du deuxième tome, il était en plein milieu, quoi. Donc vraiment à la suite du tome. Donc c'est, enfin à ce prix-là, de toute façon, faut pas s'attendre à grand-chose au niveau qualité. C'est pas de la qualité de la première édition, mais c'est très bien pour se faire une série à pas cher et puis bah pour procrastiner tout simplement. Exactement. Alors, je vais te laisser également nous parler de l'initiative de Headtrick, Ouais, bah qui... Headtrick, c'est un manga qui a été mis en pré-pub en ligne gratuitement il y a de ça 4 ans, je dirais. Donc voilà, c'était au début un chapitre par semaine. Ou tout, non, c'était un chapitre toutes les 2 semaines. Mis en ligne gratuitement, sachant que en s'inscrivant sur le site, en fait, on y avait accès une semaine avant. Donc c'est tout simple, hein. Il n'y avait rien à payer, c'était juste à être inscrit et voilà, on était prévenu par newsletter. Et donc Headtrick, c'est un manga sur le foot assez déjanté, c'est fait par des Français. Et c'est très très très sympa à lire, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien dessiné. C'est très rigolo, c'est vraiment parodique, un peu à la Even Eleven ou des mangas un peu comme ça sur le sport, un peu foufou, quoi. Et voilà, donc là ils en sont au sixième tome et ils éditent, ils s'auto-éditent pour sortir les tomes en papier. Et ça marche apparemment plutôt bien. Et ils ont eu, c'était l'année dernière, je crois, le prix de la révélation manga. Alors je sais plus à quelle occasion, mais voilà, ils ont eu quelques prix. Et non, c'est vraiment très sympa à lire. Donc voilà, c'est une des initiatives de BD numérique en France. Et ça marche bien, c'est sympa et c'est gratuit et c'est très bien pour repousser ce qu'on a à faire au lendemain. On peut parler, alors du coup, on va sortir du rayon manga pour aller au rayon bande dessinée. Alors, de deux initiatives. Alors, il y en a une qui a été mise énormément en valeur ces derniers temps, c'est par le biais du site Dailytoon, hein, donc de la prépublication de The Last Man, donc une bande dessinée dessinée. Donc, c'est dessiné par donc, et notamment Bastien Vivès. C'est une histoire quand vous commencez à lire d'ailleurs qui est plutôt intéressante, même si ça reprend, on sent la grosse influence de Dragon Ball, notamment sur les parties tournois. Donc bon, j'estimais en fait, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt intéressant. Et c'est voilà la sauce Bastien Vivès avec sa patte graphique à lui. Donc le tome d'ailleurs, le premier tome est désormais disponible à l'achat dans n'importe quel magasin près de chez vous. Donc c'est voilà, ça fait partie des bonnes initiatives pour faire connaître une bande dessinée. D'abord gratuitement parce que la publication est gratuite, hein, et notamment sur Dailytoon. Là encore, je vous mettrai l'adresse dans le post du blog. Mais sur donc www.dailytoon, Dailytoon.com, il y a pas mal de séries, il y a beaucoup de séries en pré-publication, donc ça vous permet de jeter un coup d'œil en amont pour savoir si ça peut vous plaire ou pas, et si, dans le cadre d'une édition papier. Tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, Tonton? Non, bah, c'est sympa, on le trouve un peu, enfin, on trouve ça un peu partout et c'est sympa comme initiative, quoi. Tout à fait. Et on peut parler également aussi de 30 jours de BD.com. Donc, c'est un site qui publie tous les jours une nouvelle planche d'une BD. Il y a plusieurs auteurs à chaque fois. Il y a des strips, il y a des histoires complètes, il y a pas mal de choses. Donc, je vous conseille de faire un tour également sur ce site, puisque là encore, par rapport au succès de certaines séries, elles sont ensuite éditées. En physique avec du vrai papier, avec des vrais arbres. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais Ouais. quelque chose à rajouter sur ça, Tuntun? Non, bah, c'est ouais, ça donne quelques idées de Procrastination. pour bien procrastiner et pour passer une bonne journée lundi à ne pas faire son travail Faire autre chose, à à faire décaler, voilà, à faire quelque chose qui est de plaisant. des choses importantes pour faire des choses encore plus importantes. Voilà. Exactement. Bah, on vous souhaite évidemment une excellente journée de la procrastination. Et on vous dit à tout bientôt. D'ailleurs, il y a un Ouais. podcast bilan du mois de janvier-février. Oui, on est fin mars, mais qui n'est toujours pas sorti. Mais du mois de janvier-février qui devrait être disponible très très rapidement sur le site. Voilà. On vous dit à tout bientôt. Au revoir. Salut, à bientôt. Write this essay that the teacher gave last week, and it's due tomorrow morning, 20 pages all in Greek. Now, but first I'll check my Tumblr, Facebook, Twitter, call my mom, then just one more page on iwastesomuchtime.com. I'm procrastinating, all day I sit here waiting for just the perfect moment to begin. We're procrastinating, why work? We could be gaming. Agreed. Procrastination for the win. This diet, 'cause my prom's a week away, so I'm only eating veggies and I'm starting that today. But I'm getting really hungry and those cookies look sublime. Fine, I'll have just one or two or ten. Why not? It's not a crime. We're procrastinating, no better way than eating, 'cause nothing else could possibly compare. I'm procrastinating, it's really fascinating. I know there's work to do, but I don't care. Oh yeah, it's on! I should probably do my laundry. I should probably feed the cat. But right now we're playing Halo. YOLO! Headshot! Take that! You should probably call a doctor. Never mind, it's just a scratch. But your arm's gone! It's a flesh wound, now come on, let's play some catch. I have organized my desktop, now I'm all set up to work. Wait, that picture's kind of crooked and it's driving me berserk. Now I might as well just color code my pencils one by one, and my papers and my files. I can't work until it's done. We're procrastinating. All day I sit here waiting for just the perfect moment to begin. We're procrastinating. You're procrastinating right now. You're procrastinating. Why are you still here watching? I'm sure that you've got things too long ago. You're procrastinating. Please leave a thumbs up rating. Go do your work.